une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planet Rap avec Fred. Ce soir, le meilleur de Planet Rap 2014. Le meilleur de cette saison de Planet Rap, c'est tous les soirs. Bonsoir, bienvenue à vous tous. C'est parti pour Planet Rap ce soir. Et jusqu'à demain, on fait le bilan tranquillement, calmement, avec du son de Skyrock et des artistes qui sont passés, que ce soit les freestyles de Black M, la Team BS, on écoutera Griot tout à l'heure, ou bien encore Zao divisé. Et puis une exclue aussi pour bien conclure cette saison, Ed Sheeran avec Nekfeu. Ils sont passés hier, on a enregistré un futur Planet Rap avec eux et ils nous ont lâché une version acoustique de Sync. On va pouvoir découvrir là dans un instant, juste après le medley de cette saison. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planet Rap 2014. Pour la nouvelle saison 2013-2014, grosse semaine, je vous le disais. Stromae à l'honneur, Eminem à l'honneur. Bienvenue, Caris. Il est arrivé, ça y est, il est en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, welcome, bienvenue. Maître Gims est là parmi nous, comment ça va? Ça va. Toute une semaine avec Ice MC. Merci de m'accueillir dans les locaux de Skyrock, Fred. Ce soir, Sultan, comment va? Tranquillement, et toi? Zao est là avec nous. Eh bien, je tiens à dire que je suis très fier de Fred puisqu'il a taillé la barbe. En direct, Skyrock. Skyrock with you. Passe un bon été sur Skyrock. Oh, nana. Put your hands in the air if you're loving tonight. Keep your hands in the air if you're spending the night. F.A. Babe, Winnie Babe, Cindy, et sous le toit. On est sur planète. Comme les chiens de la terre. Planet Rap. All right. I said, girl, you got it. Perso, on a seul. Je me battrai dans ma life. Ooh, je me battrai dans ma life. Je me battrai dans ma life. Du perso, on a seul. Maybe what I'm not tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je vais vous raconter ma life. Commençons par faire du Skyrock flow. When you jump in the wind, break it up. She doesn't mind. She doesn't mind. She doesn't. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me parle. La planète rap, c'est la famille. Les femmes des Bocards, ils viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Crois que je me faire prendre un aller sans pouvoir Vénus. Oh, me, even when I lose, I'm winning. Could I give you all? Exclusively on Planet Rap. On Planet Rap. Dans ce mini. Ce mini, ce mini world. Oh, Skyrock. Mais toi tu m'emmènes, je ne sais où. Tu me dis je t'aime un peu partout. Tu sais faire voyager mon cœur à l'international. Skyrock. Je dis des liens, j'en perds le fil. Bâtis ma vie, construis ta vie. Un big up à l'émission de référence Planet Rap. Je suis un c'est le Barça, devine qui tient le brassard. En ligue, c'est des Gaza. Port au prince, Braza. Passe mon jambe, roule. L'amour au Tchétché. L'amour au Tchétché. L'amour au Tchétché. L'amour au Tchétché. Cette société qui nous rend marginal. Pénétration anale, animale. Depuis petit peu on écoute ça, man. Planet Rap. Fais pas l'intéressant. Sur toi je compte pas. On m'a dit tu grandis, tu oublies. Moi je grandis mais je gomme pas. Tu me fais celle qui a pas faim. Mais que tu te frottes à ma jambe. Like a liar. Just a little air. Shield your hunger. T'es pas mimi, j'ai des cils. Mais je m'en fous, c'est mignon. Punchline, tu es trop loin, you can't see me. Au niveau des chiffres, 5 freestyle, donc 5 bombes. Peut-être que je pèterai le million, je éclairage, je serai en nombreux. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garettis et les bouteilles d'alcool. Toxique comme la nicotine, on parle de mes textes sur les deux peaux négro. Qu'est-ce t'imagines le flot de guillotine? C'est pour ça que t'as plus trop la tête sur les épaules. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser deux fois, un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas si tu sais qu'on est tous un peu dingue, on est tous un peu fêlés. Pour un peu de monnaie, les jeunes ont décidé de plus viser les mollets. Comment ça? On serait tous des putes. Parle pas de Moïse parce que tu tu m'as vu manger. Comment, comment ça? Finis les machos. Je vais finir par me sauver. Je ne suis pas un lover. Passe un bon été avec le son de Skyrock. Des Magic India. Allez, allez, allez. Lève la main, allez. Allez, allez, allez. Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui, oui. Mec, il avait trop de style. Qu'il vendait du Rival Lady. Pour lui, personne se faisait le pire. Pas besoin de cogiter, t'as déjà tilté. Tu es mon meilleur, ça n'efface mais je garde le meilleur. Oui, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les OH passent. La la la la la. Meilleur. Yeah. Ok. Ouais, on a fait chanter Fred aussi, ça c'est. Ouais, ouais, mais c'est bien comme ça, on va arrêter les conneries. Planet Rap te souhaite de bonnes vacances avec Skyrock. Lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, you wish they would disappear. So maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be my lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land for the longest time, lady. And did you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. If you love me, come on, get involved. Feel it rushing through you from your head to toe. Oh, je l'ai vu dans le fumoir. Elle m'a dit tu me plais, j'ai peur de te blesser, fuis. Moi c'était comme un frisson qui me sortait d'un puits sombre, une impulsion puissante de mon intuition. Ton cœur est brisé, laisse-moi réparer tout ça. La souffrance à tes côtés me paraît douce. Elle m'a dit c'est de la part Thierry. Oui mais on essaie du la part Thierry. Allez montre-moi, je ne vais pas m'étendre, non. Allons se détendre, elle m'a demandé que je l'étrangle tendrement. Alors on s'est d'office sans trop discuter. Elle me sait d'office, grosse cuisse pour m'exciter. J'ai mis en scène les promesses de cette promiscuité. On s'est rien promis, on sait pour mieux se quitter. Did you, darling, come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? Oh. Le petit bonus de cette semaine, Planète Rap 2013-2014, apporté hier justement par les protagonistes Ed Sheeran et Nekfeu du groupe A995, la version acoustique, la version Skyrock de Sing. À l'instant, on continuera dans un instant à retrouver cette saison 2013-2014 avec notamment la Team BS, avec Zao, avec du son de Black M en freestyle. Ce sera avant 21h, avant la radio libre de Difool. Et là sur Skyrock, c'est le nouveau son de Tiaï tout de suite. C'est la crime, tout le monde veut délover la crime qui viendra durant la saison 2014-2015, sortie de l'album le 1er septembre pour la crime. Il va venir très vite hein, dans Planète Rap, début de la saison le 18 août avec DJ Kaze, et 15 jours après la crime qui débarquera début septembre pour nous présenter son album. Tout le monde veut délover, c'était extrait à l'instant de cet album qui est en train de se préparer pour la crime. On va revenir dans quelques minutes, bougez pas, avec la Team BS et Griot à écouter. Il y aura aussi Zao divisé, c'est après ça. Comme toi. Ils ont tous choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Team BS, Griot. Yeah. Sultan, FA Babe, Cindy. Bon, Griot. Yeah. Assalamu alaikum, alaikum salam. Quelques mots, quelques pensées, un petit big up de Panam. Africain comme Cheb Hasni, comme Fally Poupa. Si être étranger est un crime, alors j'ai plaidé coupable. Je suis né ici, j'ai pas grandi là-bas. Pauvre, une couronne sur le cœur, faut qu'on m'enterre à Rabat. J'ai fait du chemin, on m'écoute de Kinabraza. Et si mes projets tombent à l'eau, j'ai le flow à Mami Wata. Marocaine et malienne, ma fille est Renaud Arbé. J'aime les mélanges, j'ai mis du couscous dans son mafé. Fuck les chèques d'État corrompus, vous réalisez que l'argent du peuple finit dans les boutiques des Champs-Élysées. J'suis cramé comme une brochette de soya. Et ouais, Roya, s'il y en a pour moi, y'en a pour toi, Yakoya. J'ai fait le tour de l'Afrique, même pour des petites sommes. Je vais rentrer dans vos cœurs. Rio. On dit la prière. Sous le toit. À la foot, j'ai bronzé, j'ai pas besoin de bronzer. J'ai le cœur qui part en débris vu les dégâts causés. Pour endormir les plus petits à l'histoire de Mufasa. Pour que l'histoire ne s'efface pas, les tueries du Rwanda. Ils attendent de nous qu'on danse, qu'on connaisse tous la Corée. Mais je resterai sur place, comme enchaîné à Corée. De chez nous vient le soleil et un peu tout ce qui brille. Pour mes harbis, du Maghreb, de l'Égypte et de la Libye. Ça fait du mal à voir, le berceau de l'humanité. Devient le tombeau de la cruauté. Certains de mes frères des Comores meurent sur la route de Mayotte. Et tu sais que de nos biens, certains se payent de gros yoles. La misère pousse à faire tout sort de travaux tragiques. Pays aux musulmans et chrétiens de Centrafrique. Moi je sais d'où je viens, c'est un luxe d'être un trio. Vu que mon peuple est en silence, je ferai de moi un griot. Griot, les petits veulent courir, ont-ils appris à marcher? Ont-ils appris à griot? Tu veux courir, ont-ils appris à marcher? Banlieue sale musique. L'Afrique a la forme d'un gun, mais elle est pas venue armée. Ce qui sépare le riche du pauvre, la Méditerranée. Chérie, je reviens de loin, je rappe pas pour la monnaie. Comme Otto et Tutsi, on cherche encore l'harmonie. Les braconniers arrivent et les colombes se sauvent. L'espoir, un sentiment inventé par un pauvre. Un tam-tam, une chanson, village autour du griot. Moi, je suis resté authentique comme un padombolo. Assis au fond du bus, Rosa me laisse sa place. Mon histoire écrite dans le sable que les vagues effacent. J'ai des montagnes de soucis essoufflées comme un barbare. Bête pas ma garde car la vie est barbare. Même dans ma tour d'ivoire, j'aurai toujours la cote. Tournera en boucle dans vos cœurs car les radios me boycottent. Griot, les petits veulent courir, ont-ils appris à marcher? Hein? Ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont-ils appris à, ont déjà. Anti-la prière, marcher. Griot. Ils sont venus par milliers les apôtres, nous ont monté les uns contre les autres. Ils sont venus sans même frapper à la porte, non, non. Jésus, c'est nous, nous qu'on déporte. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie a saigné. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie a saigné. Couleur ébène, blanc, ivoire ou pommade. Les deux yeux qui t'aident à voir sont malades. Non, y a-t-il un cœur derrière ces automates? Non, non, j'ai fui, je survis parmi les nomades. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie a saigné. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie. Tirer sur une corde, non, non, à moins de plus serrer mon cœur au vôtre. Ils nous ont divisés pour régner. Ma chérie a saigné. Ils nous ont divisés pour régner. Mais on est ensemble, ma chérie a saigné. J'ai rêvé que j'avais sauté par-dessus les barricades, que je pouvais voler, yeah, yeah. Au-dessus des blessures, d'un monde qui ne faisait pas son âge, j'ai pleuré. Mais j'avais beau crier, yeah, yeah. Personne ne m'entendait. Ils nous ont le meilleur de cette saison 2013-2014 avec un son de paix pour tout le monde, celui de Zao, divisé à l'instant malgré son titre. Elle nous l'avait expliqué, Zao, un son pour rassembler tout le monde et pour ne justement ne pas se diviser. C'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Dans quelques minutes, on reviendra dans ce meilleur de cette saison 2013-2014 avec Nawel Madani qui nous avait présenté un petit gars, Marvin, qui avait tout déchiré en nombre de vues. C'était quoi, plus d'un million de vues en l'espace de quelques heures avec son freestyle qu'il avait donné dans plein de 2 millions de vues. Ça n'arrête pas de grimper. 2 millions de vues. On réécoutera ce freestyle dans quelques minutes. Le freestyle du petit Marvin, talent prometteur et qu'on trouvera, on l'espère, dans les années à venir dans Planète Rap. Et là, par téléphone, on est avec Yanis, F2L de Sartrouville. Ça va bien, Yanis? Ça va, toi, Fred? Pour la dernière fois cette saison, Yanis. Ouais, bien. Une grosse dédicace justement à tous les freestylers comme toi qui sont venus régulièrement rapper, freestyler. Ils sont très chauds. Et très chauds. Et pour cette semaine, pour vous gâter tous, à l'occasion de la sortie du film Fast Life avec Thomas Njijol, il y a le mini iPad. Il est déjà pour toi, allez, d'entrée de jeu, Yanis. Ouais, on y va. Merci. Il y a un très gros film, hein, Fast Life. Hein, allez tous le regarder. Tu l'as maté? Tu l'as maté? C'est bon? Ouais. Il défonce, franchement. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, ouais. Allez le voir. En plus, il fait frais dans les salles de ciné. C'est le moment ou jamais d'aller au ciné, là. Ouais, allez voir Fast Life. Allez vous poser pour voir Fast Life. Et bah, cette occasion, Yanis, il y a le iPad pour toi. Et en plus, nous, on a un bonus. C'est ton dernier freestyle de la saison, Yanis. C'est parti. Vas-y, c'est parti. Ok. 1. Skyrock, ok. Yannis F2L, frère de l'ombre. Sartrouville, boy, ok. Ça vient de Sartrouville, vieux pays, MO. Skyrock, planète rap, 2014, ok. 1. Ok, reste à terre et on te laisse ta vie. Baisse ta mère, on te baisse ta fille. Ouvre ta fenêtre, on te baisse ta vie. Tu fais du rap de merde, représente mal ta ville. Rap à mes homicides, on te tire dessus dans ton domicile. Mais sont déjà des classiques fossiles. Négro, dans la musique, tout est possible. Nique ta mère, que toi, à ton âge. Je te l'ai déjà dit, je suis tout bas. Ton déjecte un net sur iPad. Déjà de part, t'es devenu tout pâle. T'as peur si je fais parler les bas. Tu fais le rappeur mais t'as pas les bas. Ça fait à peine 20 secondes que je rappe. J'ai déjà fait crier les bas. Dangereux, dans les zones arides, MC rentre pas. Dans la zone aride pendant que tu mets des carottes aux flics. Et de pute moi je mets des carottes aux fisc. Quand j'accélère, tu ne me vois plus. Marco, c'est l'air, c'est dans le turfu. Arrête de t'inventer des vies. Ta pute de grand-mère, si t'as pas de vécu. T'es à pied, j'suis en véhicule. Ferrari, sur le matricule. À ce qui paraît dans le rap t'avances hein. La blague, rien que tu recules en fit. Avec mon ombre, mon ego est seul adversaire. La cerise sur le gâteau, plus une douille pour ton anniversaire. Brah brah. Yannis F2L pour bien conclure cette saison 2013-2014. Merci à toi mon pote Yannis. Merci Fred, merci. Je voulais dire un petit truc. Vas-y. Donc là, on va en train de sortir, je sais pas si t'as entendu, il y a Black Brut, Gradure et Cookie, ouais, qui ont sorti un son SMS. SMS, sous les semelles. Voilà, c'est un concours de remix. Donc là, le remix qu'on va faire bientôt là avec Hamzon et Amir, il va bientôt sortir. Et tu vas le balancer où sur le net? C'est vrai autour de ça. Et puis, début de la rentrée, normalement, vers la rentrée, ma mixtape Sublisphère, elle va être disponible normalement aussi. Tout se passe bien. Et bah, rappelle-nous, on peut te suivre, Yannis. Vas-y, balance les adresses. Ouais, mon Twitter, c'est YannisF2L. Le Facebook, c'est Yannis de l'ombre. Tous les freestyles seront dessus, les morceaux. Pareil, on leur balance des morceaux, des freestyles, un peu toutes les semaines. Et voilà. Et bah, on t'attend pour le retour de la saison 2014-2015. Pas de soucis, ouais. Retour le 18 août avec DJ Case. Après, il y aura la crime, il y aura plein d'autres artistes. Il y aura du lourd, quoi, comme d'hab. Il y aura du lourd, j'espère bien qu'il y aura du lourd. Skyrock, hein. Et bah, ça fait plaisir, merci à toi Yannis. C'est Casse Dédi. Ouais, on t'écoute. Ok, gros big up à DJ Pras, Casse Dédi à ma team Salo, au frérot Tam et Samir, Kamel Caramel, Adjime Fares, Waldo, j'ai très bons rappeurs. Gros big up au frère de l'ombre Amir, Safi, Ryan, big up à Zina, je sais que tu m'écoutes. Bon anniversaire à Eve en avance, big up à Lisa, la sœurette, Sarah Kabili, ça vient de se retrouver, c'est l'Eve de Zel. Et bah, ça roule, à bientôt Yannis. Ciao Fred. Passe de bonnes vacances si c'est le cas. Sinon, ça, merci, c'est bah, toi aussi. Bon courage à toi et le son de Skyrock, ça continue. Le meilleur de cette saison 2013-2014, Nawel Madani avait fait un Planet Rap, le Planet Rap Def Jam Comedy. Elle était venue avec un petit gars qui s'appelle Marvin et elle nous l'avait présenté. Je t'ai vu la semaine dernière, tu m'as dit faut que je fasse voir un mec, un petit gars. C'est mon Planet Rap. Le but c'est quoi? C'est de faire kiffer d'autres gens. Je lui parle sur Facebook. Je lui dis c'est toi qui es sur la vidéo. Il me dit c'est toi Nawel Madani. Je lui dis écoute c'est toi sur la vidéo. Il me dit oui. Je lui dis passe-moi ton numéro. Il me dit quoi? Après mes cours je termine à 16h30. Il s'appelle. Il va se présenter. Donc je m'appelle Marvin, j'ai 14 ans, voilà. Et tu viens d'où? De Chalon-sur-Saône en Bourgogne, dans le 71. Mais t'as halluciné Marvin quand t'as eu le message de Nawel, tu te dis c'est pas elle, c'est une connerie. J'étais trop content, j'étais sous le choc et tout. Et après t'as rappelé à 16h30. Ouais, voilà, et depuis, voilà, tu l'as pécho, vous vivez une histoire tous les deux. Arrête, c'est trop dégueulasse. Pourquoi tu pars? On était dans le Jumel, c'est dans le Haram. Je déconne. Allez, coup d'envoi, session freestyle avec Marvin, MN du 7-1. Yeah, MN du 7-1. Yeah. 14 ans, yeah, 1, yeah. En live, freestyle sur Skyrock, mon but est de vous kécho, perso. Je sais que positivement, quelques personnes voudraient me pécho. Depuis le temps, t'as essayé, tu ne perces pas ton rap et chauffe. Rendez-vous sous la cheminée, je vais te montrer de quel bois je me chauffe, yeah. Arrête, je vais bégère, de façon, ton rap est fait pour ma feuille à carreaux et légère. Cela ne m'empêche pas d'écrire du lourd, oh. Ne te promène pas dans les bois si t'as peur du loup. Pour moi c'est dit, c'est fait, c'est clair et net. Si tu perds du loose, pas de match amical donc pas de fair play. Récompense à celui qui pourra me faire taire. Je suis pas là pour les thunes et je veux que me faire plaisir. Après je décampe, il faut pas que je perde l'aise. Fuck ta bouche si je peux me le permettre. T'es à bout, t'as fait moins de 13 mètres. T'es à la bourre, t'as mal mis ton serre-tête. Je te réserve des coups, tu te sauves à perpète. Je te respecte pas si t'es mongol. Je te respecte si t'es un mongol fier. Pas étonnant que je prends la grosse tête. Je veux m'envoler comme la montgolfière. Rappelle la vérité, ouais, pendant que tu y es, t'as abandonné donc t'as beau le faire. Je suis trop proche de tes proches, j'ai cramé le lit de ton beau-frère. Quand je passe, t'es qu'un soumis. Je vais te Kenny West. J'ai une vie de merde, je garde le sourire. Me compare pas à Kenny West. T'es aimable et défait de soucis. Ah, si, si, MN17. aller au-delà de mes limites. Je fais pas de mimi, craque une mimi, photo souris. Non, t'es pas mimi, hein, et t'es pas mimi. J'ai des silmi, je m'en fous, silmi, ignore un mili. Punchline, tu es trop loin, you can see me. Au niveau des chiffres, 5 freestyle, donc 5 bombes. Peut-être que je pèterai le million, chaque l'érage, je serai en nombre. T'inquiète, je gère tout, prépare juste ta tombe. Tu roules, fais gaffe au trou, j'attaque, j'attends pas que tu tombes. Écoute ta rum, en place elle t'a remis. Et toi, tu te remas, tu vas te manger le remu. Je prévois ta remo. Non, je suis pas gentil, je suis comme le vendeur de téléphone, je te le garantis. Tu fous rien, et le temps passe, c'est pas toi qui impose tes règles, donc remets vite ton tampax. Bré, des phrases, ouais, t'en taxes. Je laisse des marques, je suis démarqué, mais là, moi, dans l'axe. Hein, ton jardin est vide, tellement que tu jettes trop de fleurs. Viens là, évite, abuser comme t'as trop peur. Donc, c'est pas pour les gens qu'on peur, et ni les gens bon peur, qu'on croit ou pas, je m'en beurre, mais sache que j'ai un bon cœur. Tu travailles sans heure, on prend pour un menteur. Tu sens pas la rose, mais la menteuse, à la montée ou la pente pigée. Seul Dieu peut me guider, j'évite les visites guidées. Je suis juste trop loin pour toi, pas de magie d'invisibilité. J'ai pris un abonnement de punchline, je suis illimité. Je suis dans le calme de la calmance, toi t'es dans la calamité. Je vois que tu galères, dans un art tu as l'air. Ne crois-tu pas qu'il est temps de te mettre au boulot? Tu fais que de la merde, tu dois être aux toilettes. Maintenant je comprends pourquoi t'es souvent au bout du rouleau. Et j'en ai dit des mots. On va en rester là, ouais, coupe la vidéo. Jusqu'à 21h, c'est Planet Rap, l'émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, le meilleur de Planet Rap 2014. Allo Skyrock, c'est Black M. Je vous appelle pour le freestyle. Oui, je veux freestyler en fait. Yeah. Wow. Oh. Alerté par le DI, A, 2 L, O. Avis à tous les kickers, wesh, vous êtes où? J'entends ça, prono, stick. Mais où va le Black M avec sa promo? Stick, et rien que juste parce qu'ils sont forts, mais sont. Certains profitent pour dire que je suis un franc-maçon. Fuck you, moi je connais la valeur d'un franc garçon. J'ai les yeux plus gros qu'un milliardaire pour ton information. Bref. Je suis plus qu'en formation. Je vais leur montrer que leurs rappeurs chez nous ne sont qu'en formation. Le game c'est un trouara dans ma tête, c'est le brouhaha. J'arrive, sayonara, oui du sale, ça y en aura. Des rimes comme y'en a pas, jeu de dribble comme la toka, comme le dé. Je suis bloqué, si tu frimes, on te tabasse. Détrompe-toi, je suis pas dopé. Punch, onomatopée. Jenny sort de sa lampe parce qu'elle cherche toute à le frotter. L'ennemi paye son marabout parce qu'il rêverait de me voir flopper. J'en ai plus rien à foutre comme Chine. J'suis venu pour tout grailler comme tout ce qui bouffe en Chine. À mes débuts, les rappeurs étaient déjà tous has-been. Dream, on va t'oublier comme les Zouk Machines. Comment recoller les pots cassés quand c'est du n'importe quoi comme l'empereur Bokassa. Chelou comme ce qu'achète est-ce que nous vend l'État. Ça m'étonne pas que mon gage hier soit en mode vendetta. Donnez-moi des disques d'or, j'suis encore endetté. Embêté, Dawa, je veux qu'on se barre avant cet été. Servez-moi un verre de Jack ou mettez-moi du Jackson. Ou trouvez-moi une voix, un feat à la Tony Braxton. J'n'ai pas fait de pacte à part avec mon gars. C'est quand y'a des problèmes que tu vois le vrai visage des hardcos. Faut que je me mécale, en vérité si je m'égare, c'est uniquement parce que la vérité se trouve à Mecca. Dans le film de ma vie, j'attends pas d'Oscar d'un imbécile. Pour m'apaiser, il me faut une mosquée à domicile. Mon album est attendu, je le sais. Celui qui m'empêche de le défendre, j'ai pas le choix. Je le sais. Que le hip-hop français reste en vie, même si les rappeurs m'envient. Oui, parfois j'ai envie de tout fumer comme dans un coffee. Oui, elle est nebo, mais pas elle, elle la meuf de Ovi. Oui, je passe du coq à l'âne pour te montrer que t'es qu'un novice. Ainsi soit-il, comme dirait l'Institut. Chic, mais c'est pas celui qui chie dessus. Rancunier, reculé, repoussé, vaut pas mal. Mon petit doigt me dit des choses anormales. Les plus grosses punchlines ne sont pas dans tes textes, mais dans cette religion que Marine déteste, ouais. Vérité, pas bonne à dire, parce que vérité blesse et te fait disparaître comme Mon Ali. Non, celle-là, on l'a oublié, disons comme Ben Ali. Tu veux qu'on se rappelle de toi, frappe comme Mohamed Ali. Boumaillé, fou allié, je me demande où aller. Parfois même où sont mes alliés, est-ce qu'on va me médailler? Wah, wah, wah, s'il y a le wah, mais le billet. Pas la taille, Jekyll O'Neal, mais ils sont tous à mes pieds. Oui, ils sont tous à mes pieds, à surveiller le moindre pas. Oui, c'est stressant, Harry, mais je ne le montre pas. Pour les frères et sœurs de Bamako, de Karda, de Nakiri. Ici, on se lève pas pour Danette, mais plutôt pour du Tchakiri. Je ne fais que pire, oui, je vends du rêve. J'aime, si je suis ton pire cauchemar, t'aimerais que je crève. Mentalité de baiser qui se donne pour être aisé. Ici, pas de froc, baisser, tester, vaut mieux pas baisser. Moi, il faut me laisser, et ça jusqu'à mon décès. Juste ramène le plat et surtout, n'oublie pas le dessert. Famille nombreuse, oui, on est encombrant. Diallo, Jackité, tout ça, on se comprend. 2014, devine qui vient te mettre d'accord. Rouge, jaune, vert, le drapeau, mon pays, il est grave pour. Le pura, je suis accro, peut-être le futur patron. Pardon si quelquefois j'utilise le flow marteau. C'est pas ma faute, non. Faut qu'on les baisse tout en faisant les choses bien. Comme Issam de Saint-Blaise. Oui, les singes mangent des bananes, mais les singes blessent. B-L-A-C-K-M, maintenant tout le monde connaît le blaze. Oh là là là là, laisse béton. Laisse béton, laisse béton. Harry, exclusivité. Total. C'est parti pour une. Oh, yeah. Je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si y'en a une qui te parle, Harry, back là. Je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Black lines. Paris Bac. La peur du diable est moulante. Je danse avec lui en zouk sur des sables mouvants. Je me vois pas suivre le mouvement. C'est vers chez nous qu'il y a les choses les plus émouvantes. Maman se couche, mais elle ne dort pas. Médite bien sur cette blackline, après on en repart. Évidemment qu'on fait du cinéma. Ramène 10 caps, l'handicap. L'argent, ça résout nada. Ça rend juste l'homme chien sans aucun état d'âme. Un jour, on pourra plus négocier. Le créateur a tous les dossiers. Ah ouais, tu t'es fait tromper par ton âme sœur. Fais le muet, fais l'aveugle, fais le sourd. Dunia, j'en ai assez. Aujourd'hui ça t'a placé avant de t'avoir fait ses lacets. Et si l'état est sur mes côtes, tranquille, le game est sur mes couilles. Pardonnez-moi, je sais qu'il y a des types qui m'écoutent. Rêve, vérité masquée, cauchemar caché, tout est faux, casse-toi. Chez nous c'est tout le contraire de la place Vendôme. Merniche, on va pas au paradis en Rolls Vendôme. Et ça, pas mort d'homme, perdre c'est rien. Mais ça c'est quand t'as rien à perdre. J'ai cascadé pour Thomas, mais elle est plus qu'usée. Dis-moi avec qui tu traînes, je dirai rien. Dieu pour juger. On perd beaucoup d'argent, mais on peut aussi perdre sa femme en courant après l'argent. Sans concept, un peu long, même trop long pour la faire en concert. La vérité, on se connaît pas, mais y a encore du blé à faire. Wesh, les mecs, déconnez pas. Laissez le pas, machallah, il a la foi. Ne parlez pas de belle histoire avant la fin. Complètement matrixé. Je pourrais te faire du sale parce que tu m'as fixé. Non, non, je suis pas un gangsta, j'ai jamais réti. Pas si toi, oui, et alors t'es un taré, toi. Bref, moi j'ai plutôt intérêt à m'occuper de ma propre vie pour qu'on m'y sentir propre. J'aurais aimé pouvoir revenir à l'époque et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que pensent mes potes qui m'ont vu partir derrière et d'un coup les spots. J'aurais aimé, ouais, j'aurais aimé. Et au fait, je me suis marié. Et le chétan a dit je vais tout détruire, combien vous voulez parier. Et j'ai gagné le premier round car j'ai un fils. Mais je suis devenu un peu bizarre, les frères j'aimerais qu'on m'analyse. J'étais choqué par des choses qu'aujourd'hui je banalise. Dégoûtant mais nécessaire comme la structure de ma salive. Traumatisé, pour ne qu'à faux des scientifiques. Cousin on finira tout ce qu'a au même celui qui anticipe. Je te raconte ma vie alors je devrais rap. Et je suis plus au stade de me demander si je fais du vrai rap. One two, one two. Laisse-moi juste dire à tous ceux que j'aime, haut et fort, I love you. Excusez-moi mais je ne veux pas qu'on m'idolâtre. Un long chemin entre la parole et les actes. Même si petit c'est vrai je rêvais d'être star. Mais elle est loin l'époque où on crie on baisse les stars. Les sessions freestyle à Milton, loin des hôtels Hilton. Beaucoup de refrains béton, je m'attendais pas à ce qu'ils tombent. Les nerfs, les pulsions, ma mère, notre expulsion. Tout ça fuite la passion. It's you, yeah. C'est plus gros que le monde, ma mère. Dans les bacs, protéger un mince dans les bacs, les gars. Non, t'as dit les yeah. Oh, oh, je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si on a une qui te parle, Harry back là. J'en ai pas qui n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si on a une qui te parle, Harry back là. Hein? XV Barbare. Yeah. XV Barbare. S. Le Bourbier est là ce soir. Ouais, ouais, ouais. Hein? Je vais pas avoir ses bourbiers. Le coloca son bourbier. Le Z5 c'est bourbier. La fourche c'est bourbier. La J c'est bourbier. La lait c'est bourbier. Gauté c'est bourbier. On veut que tu brosais sur la tête du rosé. Qu'on pleut ta rosée sur du rosé. On veut chever tous mes rebeux et mes grosés. Sache que la vie ne te fait pas ciner. Plus rapide qu'un pétain tu peux faire calciner. Ouais chaque son mort que je fais je le refais. Avec un nugget moi j'ai le patiné. J'suis venu pour la bourse on va manger les drôles. Charge de la brousse on va changer les rôles. Ouais c'est l'XV barbare mais ton gilet barbare. Car après le barbare j'tire sur les barbares. Dans la volaille c'est boum. Une histoire de dollars c'est boum. Grosse peine de dollars sur les keufs à molars. Le loupette le renard c'est boum. Devant le neuf faut parier. Ghetto youth Paris go amigo. Y'a assez de balles dans le barillet. Billets aller-retour à Rio. VL, ADN, criminel, Zach en vue. Cash money, dividend. 3, 5, 7 mm, 5 en vue. A-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Belle et confort frère. D'après tous mes faux, ça c'est du sale qu'il faut faire. Ouais, paniquer ta mère bien fort. C'est de la part de tous les quartiers nord de Paris. Pendant pas d'investissement, Harry. On est venus tous les mettre d'accord, c'est nous, on donne le tarif. Ne fais pas craindre. Cache mon aiguille, de 7-5 mm. ADN criminel, AD cache mon email. Laisse un 8-7, on les met redoutés comme le 9 mm. C'est pour biais. Si tu veux tous nous tester, t'auras pas ses potes. Le rap en club, devenu outre, criminalité augmente comme le paquet de coups. Répète, c'est pour biais. Cette société qui nous rend marginal. Pénétration anale, animal, acte vaginal. Et on rap pas mal, il prend pas mal. XB2, ça s'applique, on est deux. PS, sur ta galette, j'ai la jonquière énervée, on les baisse, on est tous bitch, Bourbier, Bourbier, X de barbare c'est Bourbier, Loco Loca son Bourbier, le 7-5 c'est Bourbier, Skyrock c'est Bourbier, Skyrock c'est Bourbier, Skyrock c'est Bourbier, Skyrock c'est Bourbier. On veut que tu fais des heads, on a plus de temps à perdre, on a plus de temps de heads, c'est le Bourbier, maintenant tu t'es mis, t'es pas sorti que le millimètre. Fréquente des champs pas très net, allez viens je la encore je pénètre. À venir à ton aide, je me permets de vous dire d'aller vous fermer. Allez vous fermer, bande enculée, c'est le méga Bourbier. Bang, pétasse, conçu, pégage, sinon on va tomber. Depuis le début, moi je suis disté par les tombés. C'est au placard, c'est le vice, le but, bonne carte tombée. Ils veulent m'inquiéter serré pendant des one. Dans ta queue, je t'ai salope, mais toi t'es one. Moi je suis chargé de neuf, c'est le fils de tap-tap. Ceux qui portent plainte, ceux qui partent de one. Ouais, ceux qui partent de one. J'ai chargé neuf pour ceux qui partent de one. Ouais. J'ai chargé le neuf pour ceux qui partent les temps. Toute ma clique, fuck les flics. Toute ma clique dégaine automatique. J'ai chargé Charles Brolic. 6.3, plus gros speed. Calons ton car, mais on vient. Viens dans nos cas, tu verras les MEA. 4h du mat, perdu chez Watt. Gros MZ, tu te t'avales. Ça va être un deep Benex qui s'arrabole. Suis c'est ma bite, les pétards en raffolent. L.E.T.O. du Judy, c'est flow. Attaque, attaque, 47. Sortez, sortez les mitraillettes. C'est dans le viseur, on bouge ta tête. Cette semi-auto couple les criminels. Ça vit toujours dans un 9mm. PS soutient gros blague, pas chercher le. La RLH doit nous croiser chelou. Sortez les bourbiers, que la M6 se mette à crier. Calage, Magnum blanc chargé. On va tirer, pas pour te blesser. Des charbonneurs postés sur l'année. Ne se réveille que pour faire de la monnaie. AMG, bourbier, bourbier. X fait barbare, c'est bourbier. Loco Loca son bourbier. Le 7-5 c'est bourbier. La fourche c'est bourbier. La J c'est bourbier. L'allée c'est bourbier. Côté c'est bourbier. Le lion de la terre en garde. C'est un animal, je te mets en garde. En direct de Dakar, c'est le nom si égard. Sur un rien contre putain de rencard. Rappelle-moi Bispa, Brick Squad. La tour et quelle escouade. Tous mes frères sont arrivés, posés sur l'allée. Régrès, sortez les quads. Fake de plainte, part pas plainte. C'est la tour, petit fils de dame. Sur le deck, j'ai la machette qui égorgera tous ces fils de dep. La CNT c'est une mise à la mort. Soit tes termes, mais faut pas que tu dégonnes. Conne et Vuday, ça bique quand c'est son mort. Y'a de la pure, ouais t'inquiète, elle est bonne. Prends moi l'école, je compte pas sur ça. Ça pour buter les gros, c'est pas sorcier. Une cagoule et un accaparé pour le braquer le banquier. C'est Bourbier, tête cramée. Prise en photo par la BAC. C'est Bourbier, la TV. Bang, Billy Bang, c'est Bang. Chez, on m'a dit que l'électron est libre. Il fallait que je vienne voir ça. Je me rappelle pas des cours de physique. Pas de la weed et quelques massas. Qu'est pas ça, qu'est-ce qui t'arrive? C'est le triangle d'or de Belize. C'est le triangle d'or de Belize. C'est le triangle d'or de Belize. Pour clair la vache, obligé de mettre les gants. J'avais le bouquet sur ton cercueil. Avec un mot, je fais l'innocent. Avec un clic, je suis coupable du meurtre. Ouais, barrez-vous, ouais, barrez-vous. On m'a arrêté pour un fou, une purée ou de la foudre. Ouais, barrez-vous, ouais, barrez-vous. Je me mégare pour ça que le trap tire dans la foule. Je vais blague des sous ton pas, c'est Bourbier. 9 années dans les couilles, t'es visé. Si tu sens pas les couilles, ils auront les douilles. Qui feront le coup. Ra, Damien, prends les gaffes de ma ruche. C'est le Bourbier, donc on bat ton fourgon. Mais c'est ma pas de l'autre dans les couilles. Tu finis ligoté à l'arrière du fourgon. Tous mes négros sont en Gucci. Gucci, je vous montre si je déclame ma bitches. Bitches, tous les jours, ça cherche le bif. C'est ta 0-10, elle casse à la clique. Méga, Bourbier, méga, Bourbier, méga, Bourbier. J'attends toujours la juge, la propre me juge, mais Bourbier, Bourbier. X veut pas avoir ses Bourbiers. Loco Loca son Bourbier. Le 7-5 c'est Bourbier. Skyrock c'est Bourbier. Skyrock c'est Bourbier. Skyrock c'est Bourbier. Skyrock c'est Bourbier. Le freestyle Bourbier avec Ice MC qui avait retourné le studio avec son XV Barbare qu'on salue à l'instant. Ice MC, le XV Barbare pour le freestyle de Bourbier dans Planète Rap. C'est fini pour ce soir, pour le meilleur de cette saison 2013-2014. La spéciale de l'été de Difool, ça arrive dans un instant, mais juste avant on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50 euros de bon d'achat avec la clim. Salut Laura de Lyon, ça va bien? Ouais, ouais. Ouais, en pleine forme, t'es en vacances Laura? Ouais, je suis en vacances. T'es où? Je suis à Toulon. Et alors, t'es bien? Ouais, ça va, il fait beau. Ah ouais, je sens la chaleur qui t'a épuisé toute la journée, Laura. Il te reste encore un peu de force pour dire stop? Ouais. Allez, dès que tu veux, c'est parti, ça roule, ça tourne. Ah bah oui, il te reste plein de force, Laura. Bravo. Et Laura, pour toi, le DVD Fiston et le bon d'achat de 50 euros offert par la CRIM. C'est pour toi, on t'envoie tout ça du côté de la maison, du côté de Lyon. Avec les potes là-bas qu'on salue du côté de Toulon. Merci à toi, Laura. Je peux passer une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, déjà, je passe une dédicace à maman chérie, c'est son anniversaire, bon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire, maman chérie. Une dédicace à mon chéri, à toute ma famille, à tous mes amis Facebook qui m'écoutent. Eh ben, je te fais plein de bisous, Laura. Merci, bisous. Passe de bonnes vacances avec nous. Il est grand temps de retrouver la spéciale de l'été avec D-Fool maintenant et demain 20-21 pour la suite et fin de ce Planète Rap. D'ailleurs, il y a Mokobé qui passe demain aussi. À pas louper entre 20 et 21 la fin de cette saison 2013-2014 à revivre. C'est juste avant 20h.